Arc-en-ciel Orléans. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. L'After Job, avec Francky, le mardi, de 17h à 19h, sur Arc-en-ciel 96.2 FM. Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra. Así. Rodrigo Ace Ace. De todo corazón les deseo feliz Navidad. Olvidaste que mi corazón te estuvo esperando. Oh, you know, lo envolví, lo mandé con las tres palabras que conoces. Ahora sé lo bien tonto que fui y con un beso más no ganarás otra vez. Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otras. Oh, last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otras. Oh, it's your boy, el latino francés, desde París para el mundo. Positivas. Tu actitud me hizo cambiar. Me escondo de ti, de tu alma helada. Hoy día yo pensé que me hipnotizaste. Yo fui solo un hombro donde lloraste. De ti me enamoré y fue pura pasión. Por ti tanto lloré hasta te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otro. Oh, last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir. Sí, muy bien, comment est-ce? 16h45, ouais, j'ai pris l'antenne un petit peu avant parce que à 17h notre invité sera là dans les studios, c'est Marie-Agnès Linguet, maire de Fleury-les-Aubrais. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et puis c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir de recevoir Marie-Agnès Linguet après avoir reçu hier le maire d'Orléans, Olivier Carré, et bien la maire de Fleury-les-Aubrais qui se représente à la mairie justement en 2020, mars 2020, sera notre invité autour de 17h. Normalement elle est tout le temps à l'heure. Normalement j'ai dit, hein. Ouais, si tout va bien. Kevin Kinley arrive avec sa petite soeur Lorelai, on vous souhaite un bon après-midi, 16h45 sur Arc-en-Ciel, ça y est, c'est peut-être la fin du boulot pour vous. Eh bien, passez un bon après-midi. Ouais, en direct, salut Nathalie, salut Karen, salut Annabella qui est là, vous êtes nombreux à nous regarder. Et je vous le dis, hein, 17h, notre invité dans les studios, Marie-Agnès Linguet, maire de Fleury-les-Aubrais, puis la présidente de la radio qui sera là aussi. Ouais, ça fait plaisir d'avoir du petit monde comme ça, ça patoche avant les fêtes de Noël. Justement, en parlant de Noël, eh bien, la semaine prochaine, des petits cadeaux pour vous. Voici Kinley, Lorelai, la vie du bon côté. ça c'est du passé. Jésus est de la montée pour croquer la vie à pleine. Danser selon mes idées, je vis mes envies pleinement. J'ai bien essayé de changer le passé, mais vainement. Rien ne changerait ces événements. Non. Profiter est important. J'ai pas envie de nourrir des regrets à 40 ans. On ne peut pas continuer à exister en portant le lourd poids des remords d'antan. J'ai cessé de me lamenter pour croquer la vie à pleine. Danser selon mes idées, je vis mes envies pleinement. J'ai bien essayé de changer de passé, mais vainement. Rien ne changerait ces événements. Ouais, Kevin Kinvey, on adore sur Renard Potentiel. Vas-y, j'y suis arrivé. Vous aussi, peut-être que vous êtes arrivé au boulot parce qu'il y en a qui bossent le soir, comme ça, qui prennent à 17h et finissent à 5h du matin. Bah, on vous souhaite un bon après-midi en direct, comme tous les lundis et mardis. Francky, on est là avec vous. Et aujourd'hui, 17h, notre invité, ce sera Marie-Agnès Linguet dans les studios de la radio. On est vraiment, vraiment heureux de la retrouver, comme tout depuis des années. Eh, L'After Job avec Francky. C'est tout de suite. L'After Job avec Francky, c'est tous les lundis et mardis sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et on est là pour vous donner le smile, le sourire, hein, malgré la météo. Ça va quand même, un petit peu de soleil aujourd'hui, ça fait du bien, le rayon du sol. Il arrive, Luis Fonsi, Demi Lovato et Chop Me La Culpa, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée à vous, hey, 16h50. Fonsi. Hey! Oh no! ¿Qué pasa de mí? En esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Ah, ça rappelle les vacances, les bons souvenirs, ça au bord de la piscine, hein, en train de siroter un petit cocktail sans alcool. Bah oui, forcément. Luis Fonsi et Chame la culpa sur Radio Arc-en-Ciel. 16h52, la météo demain. Eh, ça caille. Aïe, aïe, aïe, ça caille. Ouais. La météo. Disait Gérard Blanc, mais quand reverrai-je pays merveilleux? Michel Blanc, Gérard Blanc, c'est le chanteur malheureusement qui est parti. Ouais, un ami en plus. Ah ouais, je pense à lui, tiens, aujourd'hui. On passera à une autre histoire tout à l'heure de Gérard Blanc, juste pour le kiff. Côté météo, ciel demain, bah, du soleil avec quelques petits nuages. Mais ça va, le soleil va nous réchauffer. Côté température, ça caille demain matin si vous allez bosser de bonne heure. Moins 3 degrés, on dépassera pas les 5. Ça y est, ça commence à descendre. Et puis bah l'hiver qui s'installe progressivement. Like a Prayer, ça arrive, c'est la Madone, ça c'est pour le meilleur des souvenirs, et c'est sur Radio Arc-en-Ciel. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi à 16h53, 17h. L'invité dans les studios de la radio, c'est Marie-Agnès Linguet, la mère de Fleury-les-Aubrais, sera là en direct. Hier, on a eu Olivier Carré, et là, tout de suite, ça va être Marie-Agnès Linguet, ça va être du très très fort. J'adore, Just Like a Prayer, la Madone. Ah, c'est le meilleur morceau, ça, pour elle. Hein. Quel bon souvenir. Salut Def qui est connecté. Salut Tito. Salut la famille, Jérémy qui est là aussi sur le live du Facebook, 17h. Dans quelques minutes, elle sera notre invitée, la mère de Fleury les Aubrais, Marie-Agnès Linguet, dans les feux de la radio. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir de la recevoir. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Si vous avez des questions justement pour la mère de Fleury, eh bien n'hésitez pas à nous contacter en direct. 02 38 43 48 00. L'After Job avec Frankie, le lundi de 16h à 18h et le mardi de 17h à 19h. Hey, ça chante sur le live du Facebook, là. Il y a Tito qui dit à Dev, tu fais tout tes 50 ans dans une maison de retraite. Ah, ça commence à chambrer fort. Hein. Merci, t'es un chou. Salut Annabella, ouais, en direct. Ouais, c'est bientôt 17h. Quando tu dizias que eu sou teu único amor, baby. Era só janjão. Quando tu dizias que serias sempre a minha, baby. Era só janjão. Tu dizias que me morras, que me adoras, baby. Era só janjão. Quando tu dizias para pedir a tua mão. E o que faço eu se não ganho o teu carinho? E o que faço eu se não ganho o teu bem? Faço eu, se não tenho aonde eu te encontrar. E o que faço eu, se não tenho aonde reclamar. Me diz porquê, pelo amor de Deus. Sabes que eu amava-te de coração. Eu não mereço, eu não mereço. Foi muito pior que bala de canhão. De princesa pra rainha do Janjão. Eu não mereço, eu não mereço. Oh, oh, oh. Juro, eu não mereço, baby. Não, eu não. Eu juro, não entendo, baby. Parece coisa de outro mundo, sweet. E se for voodoo, quebra esse feitiço, eu quero a minha boo. Porque eu amo. Oh, amo demais essa mulher. E o que faço eu, se não tenho o teu carinho? E o que faço eu, se não tenho o teu beijinho? E o que faço eu, se não tenho aonde eu te encontrar? E o que faço eu, diz-me aonde reclamar? Me diz porquê, pelo amor de Deus, sabes que eu amava-te de coração. Jamais vou a Marte, questão resolvida. Método de descarte B, sou deste Jajão. Like Zé Calanga, nem honesta não. Muito menos franca, que tamanha hipocrisia tu tens. Nada a ver com Pedro, mas tu investe nos bens. Mama, matéria, não é seria. Nosso amor morreu, de Bing Lê. Vou tirar o pé, já se pererê. Pelo amor de Deus, sabes que eu amava-te de coração. Eu não mereço, eu não mereço. Foi muito pior que bala de canhão. De princesa pra rainha do Jajão. Eu não mereço, eu não mereço. Mr. Jake, Ja-Ja-O, sur l'arc-en-ciel, 17h01. L'After Job, avec Frankie, le mardi, de 17h à 19h, sur Arc-en-Ciel, 96.2 FM. C'est votre rendez-vous, en lundi, c'est 16h-18h le lundi, 17h-19h le mardi, l'After Job. Hier, on a reçu Olivier Carré dans les studios de la radio. Ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et puis aujourd'hui, ça va terminer dans quelques minutes, c'est Marie-Agnès Linguet, maire de Fleury les Aubrais. Noël à la piscine, eh bien, c'est possible à Fleury les Aubrais. La piscine qui sera ouverte le mercredi 18 décembre de 16h à 18h. Pourquoi pas un Noël à la piscine. Voilà des bons plans avec Fleury les Aubrais. Doula, doula, ça arrive. C'est Daddy Yankee sur l'arc-en-ciel. si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, dura, dura, dura, dura. Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo, ponme que está dura. Yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura, dura. Tú eres la máquina de baile. Si no te da nadie, vente pa' mi brazo. Job avec Francky le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Carlos Santana. I said a la favela, don't go notice. The streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I looked up in the sky, hoping that there's a paradise. Ahora vengo, mamá chula, mamá chula. Ahora vengo, mamá chula. Southside. Ahora vengo, mamá chula, mamá chula. Ahora vengo, mamá chula. Worldwide. Ahora vengo, mamá chula, mamá chula. Ahora vengo, mamá chula. Open up your eyes. My lover, when the wind blows, I can feel you through the weather, and even when we are apart, I still feel like we're together. My yeah, she reminds me of a West Side Story. After Job avec Frankie le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. J'avais en moi ma Carina dans ma peur. Allez, on conseille ma Kalina, Kenji Chirac, dans 3 minutes 49 exactement. Elle est notre invitée, elle est dans les studios de la radio. Maire de Fleury-les-Aubrais sera en direct à 3 minutes 39 secondes. Marie-Agnès Linguet en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Disco dans les studios de la radio, j'ai allumé les boules à facettes et Marie-Agnès Linguet, on l'a arrêté parce qu'elle est en train de danser sur, sur la console. Oh là. Non, je rigole, elle est bien installée, bien au chaud dans les studios de la radio. Elle est Madame la Présidente qui est là aussi, notre invitée du jour qui arrive. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Bien sûr, je taquine Marie-Agnès Linguet. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour Francky. Toujours souriante, toujours accueillante, toujours ravissante, je dirais. Une belle rose qui est arrivée à la radio. Ah non, voilà, mais... voilà. Ouais, moi, je déconne pas, hein, je disais... Je vais rougir, mais ça se verra pas à la radio. Je disais pareil à M. Carré hier. Hein, Ah, que c'était ouais. une belle rose et qu'il Non, pas c'était notre fleur. En tout cas, on est heureux de t'accueillir sur Radio Arc-en-Ciel. À chaque fois, bah, tu acceptes notre rendez-vous. Oui, c'est partagé. Ouais, une fois tous les deux, trois mois, tu viens à la radio. Hein, ouais, dans, dans notre belle ville de Fleury-les-Aubrais. On est bien Faubourg-Bannier, on est bien installé. Exactement. Bonjour Madame la Présidente, elle va bien? Madame la Présidente va bien. À fond dans la comptabilité. Ouais, ça va moi tranquille, hein, j'ai pris 12 cafés, ça va bien. Hein. Ah bah ça se voit. Je voulais remercier Madame la Présidente pour les petits travaux que vous effectuez en ce moment. Pas pour vous, mais la technique dans les studios, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions, hein, nouveau micro, nouvel rayon, ça bosse Arc-en-Ciel là. Ça bosse, alors pas que Madame la Présidente. Qui c'est qui a mis de l'argent là? C'est la mairie, non? C'est un petit peu tout le monde. Ouais, c'est un petit peu tout le monde et c'est nos économies au long de l'année. Non, c'est bien. On gaspille pas tout et on réinjecte notre argent dans l'association. Ah, c'est vrai que j'ai vu mon salaire, il a baissé ce mois-ci encore. Je me suis dit, c'est bizarre. Ah, oui, il a sachant micro. Que tu en as pas. Ah voilà, bah voilà, comme ça l'histoire elle est réglée. Marie-Agnès Linguet, candidate à ta propre succession pour les élections municipales de mars 2020. Il y a eu beaucoup d'hésitations, on en parlait tout à l'heure en antenne il y a encore un an. Alors pourquoi aujourd'hui te lancer te relancer dans l'aventure, tu t'es dit quoi? Bah, je me suis dit, de toutes les façons, c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut pas y aller. Mmh. Bien sûr qu'il y a des moments, où c'est plus compliqué que d'autres, notamment dans des moments irrationnels où on se dit, mais des gens à qui on faisait confiance, on peut plus leur faire confiance, etc. Bon, c'est un grand classique. Et on s'en aperçoit au fur du temps, ça? Beaucoup trop tard, je trouve. Trop tard? Pourquoi? Parce que t'as fait confiance, justement? Ah, mais c'est le principe, c'est de faire confiance. Ah ouais. Après, bon, c'est la vie. Et puis, j'ai mesuré, je me suis dit, mais il y a encore plein de choses à faire. Il y a des choses que j'aimerais voir arriver à leur fin, comme le progrès sur Interrive, parce que c'est énorme pour notre territoire. C'est un gros projet. Hein. On en parlait hier avec Olivier Carré, justement. Voilà, mais c'est un projet donc de métropole. Hein. C'est un projet de dimension métropolitaine, mais qui concerne aussi, qui se situe sur notre territoire. Et donc, c'est un vrai plaisir que d'avoir ce projet métropolitain qui fasse bouger le territoire, qui fasse bouger les choses, notamment l'arrivée d'entreprises sont autant de... Arrivée dit emploi. Et voilà. Je suis pas trop bête des fois. Mais personne n'a jamais dit ça. Si, on le dit des fois, mais ça me dérange pas. Pas moi, non. Oui, mais on dit des choses, vous savez, on dit tellement de choses. Ouais. Si on se préoccupait uniquement de ce qui se dit, on n'avance pas et on se présente pas. Parce que je disais dans un article, tu as eu aussi beaucoup le soutien de ta famille, ton mari, ta fille. Oh, oui, mais mes trois enfants. Et puis tous ceux qui t'entourent, tes amis. Hein, et puis des fleurissois qui aujourd'hui encore viennent me parler et me dire qu'il faut continuer. Parce que ça, c'est, je crois que c'est la plus belle des récompenses pour un maire, c'est que celle d'avoir la confiance de ses concitoyens. Bien entendu, pas tout le monde, on ne plaît jamais à tout le monde, c'est universel, hein, c'est humain. Mais enfin, le travail qui a été fait dans des conditions pas toujours simples, parce c'est que dès le début du mandat, il y a quand même des baisses de dotation, ça c'est toutes les collectivités qui ont subi cette baisse de dotation. Ensuite, très compliqué humainement, puisque nous avons eu le malheur de perdre quand même trois personnes très précieuses malheureusement, de notre équipe, et puis ça a été compliqué, je dirais, au niveau de l'équipe, mais tout le monde le sait. Donc on a eu des échos. Oui, il y a eu un peu de chambardement, on va dire. J'imagine, mais bon, ainsi va la vie. Quand on regarde globalement en France, notamment, et puis même dans la région, c'est compliqué partout. Mais ce qui compte, ce n'est pas la satisfaction de tel ou tel ego. Ce qui compte, c'est le projet. Ce qui compte, c'est le travail. Ce qui compte, c'est la proximité. Je m'en vais voir à la Brossette. Donc, on a les services de la préfecture nous ont sollicité, non pas pour le plan grand froid, mais presque pour cela, parce qu'on a un grand froid qui arrive quand même, et je vais aller voir la Brossette, donc nos services qui sont en train de mettre en place un accueil. Et ça, c'est bien. Et ça, ça a du sens. Être au quotidien auprès des fleurissois, qu'est-ce que tu fais en ce moment, et beaucoup. J'en reçois énormément, et puis je crois que je l'ai toujours fait, parce que je dis toujours que j'aime les gens, et que si on n'aime pas les gens, on fait autre chose que de la politique. Ouais, la politique, justement, c'est ce que tu dis, j'ai décidé d'y retourner, car j'ai mal aux gens. C'est ça. L'amour. Ouais, j'ai mal aux jambes. J'avais jamais vu cette expression, mais je l'ai inventée. Ça, t'avais marqué. J'ai mal aux jambes. J'ai mal aux jambes. Aussi. Au début, j'ai lu en deux fois. Aussi. Parfois, j'ai mal aux jambes. Pourquoi? Parce que il y a des situations dans certains quartiers, effectivement, qui font plus que nous préoccuper et qui, bien que ça ne se voit pas tous les jours, qui demandent depuis le début du mandat un travail énorme, y compris au niveau de la métropole, pour avancer sur la future réhabilitation des quartiers, parce que je rappelle quand même que c'est la propriété des bailleurs. Les bailleurs ils font bien leur boulot. Leur propriété. Beaucoup font bien leur boulot. D'autres, il faut être plus dans l'accompagnement et plus que de l'accompagnement, de l'exigence par rapport à la qualité de vie des habitants. Oui. Et c'est ce pourquoi, à mon avis, on est élu. C'est pour se soucier de la qualité de vie de tous les habitants, quels que soient les sujets qui les préoccupent au quotidien. Ça peut être la propreté de la ville, ça peut être la qualité de la rénovation, urbaine. Circulation vitesse, tu dis aussi. Tout le temps. Alors, c'est quoi la circulation vitesse? Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui roulent vite à Fleury-les-Aubrais? Je fais l'impression que ce n'est pas qu'à Fleury-les-Aubrais. Un peu partout, je parle de Fleury parce qu'on est dans notre ville là. Les réunions très très. très régulièrement, les réunions de quartier tournent autour des vitesses et des aménagements nécessaires. Pendant un moment, tout le monde a voulu des rehausseurs. Ce n'est pas toujours la solution, on le voit bien. Ouais, c'est vrai. Parce que d'une fois qu'on a installé des rehausseurs, certains nous disent ça fait trop de bruit, ça amène des vibrations, etc. On aimerait bien les remplacer. Ouais. Et, bah, je dis pas ça parce que en fait, il faut respecter ce que chacun ressent. Et simplement, moi, je dis que l'aménagement donc des routes est fondamental parce que il y a toujours. Il y a une poule. Oh, il y en a pas partout. Heureusement, il y en a de moins en moins. Et nous, on en a pas mal à la radio. Hein, j'ai vu. T'as vu, hein? Mais nous, le problème, c'est que c'est une copropriété. Alors, c'est assez compliqué à gérer. C'est indépendamment de notre volonté. C'est pas nous, hein, Marie-Inès. Hein, je balance tout et de suite. Et c'est même pas moi. Hey, c'est même pas toi. Je me suis dit, Marie-Inès, ça veut nous boucher les trous, mais même pas. Tiens. Hey, j'essaye de le glisser, t'as vu, Christine. Hein. Même pas. J'ai essayé de faire boucher les trous par Marie-Inès, mais bon. Pourtant, vous aviez le. T'as pas deux, trois gars de la ville qui traînent, là. C'est même pas ça. C'est la métropole, cher Francky. Je sais bien. Aujourd'hui, donc, mais on a de plus en plus, on a un vrai travail et je salue le travail que nous avons au niveau du pôle territorial qui réunit Fleury, Sarran, Chanteau. Mmh. Et nous avons une qualité de travail de nos services des trois villes qui sont remarquables et on fait de notre mieux pour, on a tous en commun l'intérêt général et ce qui compte, c'est comment les gens vivent dans leur ville. Et justement, le thème de ta campagne, fleurissez-vous, c'est ça? Oui, parce qu'au départ, pourquoi ça parle de fleurs? On parle de quoi? Fleurissez-vous, ça veut dire quoi? Au début, je demande. Fleuri? Ça a double sens. Mais c'est un double sens. Ouais. On a joué avec ça, c'est-à-dire qu'au départ, moi, je voulais fleuri, c'est apostrophe. Ah, c'est vous? Ah ouais, C-E-S-T, vous? Et là, non? Fleurissez-vous. Et mes amis m'ont regardé, m'ont dit, c'est fleurissez-vous. Ouais. Donc, il y a ce jeu avec le verbe fleurir. Ah ouais, pas mal. Il y a des tas de villes qui mettent c'est vous, etc. Parce que aujourd'hui, de plus que jamais encore, le partage, la consultation des habitants. Au-delà de la consultation, c'est de la construction. Mmh. Le mot co-construction est très, très, très utilisé. Mais c'est vraiment que les citoyens participent à l'avenir et à la construction de leur ville. C'est le meilleur moyen d'impliquer les gens, c'est le meilleur moyen de se dire oui, mais vous avez décidé ça seul, ça correspond pas à notre besoin. Tous les habitants de Fleury, il faut pas mettre un parterre de fleurs devant chez vous, hein. Ça serait bien, Marc, tu me diras, non, ça serait bien, Fleury. Ces derniers temps, c'est pas vraiment un parterre de fleurs que j'ai eu sur mon trottoir. T'as eu quoi, mais, non? Balance, hein, tu peux nous dire des choses, hein, si tu veux. Nous, on est là, on est une radio libre, Marie-Agnès Linguet. C'est de la terre avec des billes d'argile et tout, il y en avait plein de. Ah ouais. D'accord. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive. Alors, j'ai pas aimé, mais ça arrive. Alors, votre campagne, votre QG, ton QG, Marie-Agnès, c'est rigolo, je vais le dire justement, parce que tout le monde prend un bureau, un local, etc. Un camping-car, si je me trompe pas, roulant. Alors, il vaut mieux qu'il soit roulant. Non, mais ça aurait pu être un camping-car qui est posé à Fleury-les-Aubrais, où les gens viennent au QG, mais là, il est roulant. Alors quoi, ça fait un peu comme Daniel Guichard quand il fait sa tournée en ce moment. Il est dans son camping-car et il fait une tournée en camping-car. Ça, c'est la réalité. Je ne le savais pas. Je te le dis. Donc, j'ai pensé à lui tout de suite. Je sais pas. Daniel. Sur les réseaux, ça va se déchaîner. Ça veut dire Madame Le Maire ressemble à Daniel Guichard. Non. Très belles chansons. Ah ouais. Voilà. On va l'appeler tout à l'heure, justement. Exactement. Non, pourquoi avoir choisi le camping-car roulant? Plus sérieusement, parce que c'est le moyen d'aller voir les gens. Dans certains quartiers, ils ne se déplaceront pas vers une permanence fixe qui, de manière générale, se situe à Lamballe, À côté du centre-ville. À côté du centre commercial. Ouais, très beau centre commercial. Il évolue, j'ai vu que c'est en travaux là. Oui. Bah, c'est notre optique 2000 là, qui est en train de s'installer. On verra plus clair. C'est ça. C'est ça. On verra plus clair dans le quartier maintenant. Non, mais il y a des. Non, mais très sérieusement parlant, des commerçants de Lamballe, ils se sont reconstitués en association Fleury Cœur de Ville. Ouais. On a beaucoup échangé et on travaille ensemble à mettre de l'animation et à donner du sens à l'énergie qu'ils mettent pour que ce centre ait de la vie et réponde aux besoins des habitants. Donc c'est bravo à eux, parce que c'est quand même un engagement très personnel et la ville a décidé de les accompagner dans la mesure du possible et on va encore travailler plus avant avec Elsa Douzon, mon adjointe, pour mettre tout cela en valeur parce que il y a un vrai sujet sur l'attractivité du centre commercial de Lamballe. Très bien. Ouais, quelques petits articles que je reprends. Voilà, certains vous te reprochent d'instrumentaliser les événements ayant lieu sur la commune pour faire campagne. Oui, oui ou non? Non. J'ai le nom des meneurs, c'est pas le sujet. Oui. Alors tous les maires le font. Exactement. Que dirais-je? Ouais. Moi, ça fait, enfin, remonter un peu ma page Facebook, Marine Esling est votre maire, et vous verrez que ce n'est pas d'hier que je mets en valeur, non pas ma petite personne, mais le travail qui est fait et par aussi par les habitants, parce que derrière il y a des bénévoles qui travaillent, et pour moi c'est mettre en exergue, mettre en œuvre, mettre en valeur le travail des bénévoles. Alors que, écoutez, à ce moment-là, c'est compliqué. Un maire en place n'a pas du tout le droit de faire campagne. Ça devient vraiment compliqué. Ça va, ça devient donc compliqué. Là, je rejette, enfin voilà, clairement cette façon de procéder. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on garde de la hauteur et qu'on parle aux fleurissoises de ce qui les intéresse. Exactement. Et ce qui les intéresse, c'est leur quotidien, c'est leurs besoins, c'est les difficultés qu'ils ont au quotidien par rapport aux écoles, par rapport aux médecins, par rapport. Enfin, on a vraiment. Un médecin, ça va mieux maintenant. Quand même. Ça va mieux, mais c'est pas encore. Ça va venir. Alors, on y travaille énormément, et notamment au niveau de la politique métropolitaine. Je veux dire, il faut pas que nos territoires soient les uns contre les autres pour faire la course. Je veux dire, à celui qui aura le plus de médecins, c'est pas du tout. On est passé vraiment à autre chose. Moi, je salue mon médecin, docteur Lebeau, à Fleury. Voilà, au passage, tu le connais? Bien sûr. Salut Lebeau. C'est un super mec, hein. Il est bientôt à la retraite d'ailleurs. Absolument. Alors, mais d'ailleurs, son épouse a été conseillère municipale. Ah ouais, d'accord. Du temps de Pierre Bochet, oui. Et j'ai eu plaisir à travailler avec elle au CCAS. Ouais. Donc, mais on a énormément de gens qui ont des besoins aujourd'hui sur les collectivités et sur leur quotidien. On a des personnes âgées, notamment, pour qui la présence médicale est un fondamental. Et ça, je veux dire, c'est ce qui compte par-dessus tout. Quand même, l'un des plus gros investissements de notre mandat, ça a été la maison de santé pluridisciplinaire. Magnifique. Certes, elle a été financée à plus de 50% par les collectivités partenaires, et on les en remercie. Il y a eu vraiment un apport, y compris des entreprises. La Paire, par exemple, nous a fait cadeau d'une cuisine, etc. Enfin, on a vraiment eu un bel élan de solidarité. Alors, il y a eu pas mal de chambardements à la mairie, sur les adjoints. Nouvelle équipe qui va démarrer bientôt. J'espère. J'espère aussi pour toi. Donc, On a des noms déjà. On en voit circuler quelques-uns quand même. On a les noms déjà de ceux qui restent, de ceux dont j'ai besoin. Et des nouveaux, est-ce qu'on peut avoir une exclusivité ou pas, Marie-Agnès? Un nouveau, une nouvelle? On en aura plus qu'un. Oui, je sais bien, mais si tu veux pas tout donner, c'est pas grave. Non, de toute façon, Rémi Silly sera à nos côtés, ça je crois qu'on l'aura compris, il est mon directeur de campagne. Donc, nous avons effectivement Isidore de Coster, qui est quelqu'un de remarquable, je veux dire Bertrand Lupard, on a Mélène Barrier, enfin je vais en oublier. Ouais, je vais en oublier, je veux pas oublier ils mes amis, en plus, Maxime Viteur, Max, qui est absolument sympa comme tout, et donc François le grand François. Exact. François Bienvenue Nyumba, qui est remarquable au niveau de la campagne, c'est-à-dire être tout le temps auprès des gens, expliquer sans cesse. Pas facile, je sais pas. Moi, j'en suis à plus de 2000 portes. Moi, je pourrais pas le faire. Ouais, je suis à plus de 2000 portes à toc. Et bien avant la campagne, donc de toutes les façons. Et quand tu tapes, tu dis bonjour, c'est Marianne Eslinguet. Oh, c'est une blague quand on te regarde dans le hublot. Non, la plupart du temps, c'est pas vrai, madame le maire vient me voir. Nous quoi, c'est un truc de fou. Globalement, sur des vraiment énormément de portes, j'ai eu des moments très très très chaleureux, des moments d'échange. Une fois ou deux, effectivement, on prend la porte. Hein. Ça va pas être facile de rester pendant des minutes, parce qu'on doit raconter, ils doivent raconter leur vie. C'est mon job. Ouais, c'est ton job. Voilà. Tu t'installes des fois dans le salon avec eux. Ça arrive. Le café ou le thé. On va vous couper une rose. Parce que une rose pour la dame. Je parlais de rose tout à l'heure. Ouais. On va vous servir un petit café. On discute, on échange des difficultés vraiment quartier par quartier. D'où l'idée finalement du camping-car. Donc tout est cohérent. D'où l'idée du camping-car, c'est d'aller se déplacer et d'aller au chaud dans le camping-car, discuter avec les gens et être au plus proche d'eux. Parce que c'est la seule solution et la taille de Fleury le permet encore. Et ben voilà, en tout cas, au plus proche de toi, c'est notre présidente que j'ai invitée. Je me suis permis, ça te dérange pas, Marie-Agnès? Elle est chez elle, en même temps. Je l'invite à la radio. J'ai beaucoup d'estime pour moi aussi, la présidente. Je lui ai dit, bon, tu peux venir, c'est bon. Non, c'est elle qui m'a dit, tu peux parler. Chez elle. Christine, pardon, excuse-moi, je suis avec Marie-Agnès là. Christine, un message. ou une question, je sais pas, pour Marie-Agnès Leguet. Bon, vous connaissez depuis des années, toujours le même personnage, Marie-Agnès. Hein. Elle bouge pas. Hein. Pour moi, personnellement. Enfin, j'aimerais bien ne pas bouger. Que ce soit pour tout le monde pareil. Ouais. En tout cas, déjà, tout d'abord, merci d'être venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Pour nous, c'est un honneur. Et en même temps, un grand merci de toujours être à nos côtés. Marie-Agnès, pour nous, a été comme une marraine à côté d'un projet qui n'avait pas été simple au départ et qui continue et que j'espère qu'il perdure dans le temps. À côté de ça, c'est vrai que cette idée de camping-car, je trouve ça magnifique. Ouais. Et que tout le monde puisse avoir parce que parfois on n'ose pas avoir monsieur ou madame le maire parce que on met une étiquette à une personne et que on n'ose pas. Et souvent on a plein de choses à leur dire. Mais là dans le camping-car, ça va être bien. Moi voilà, je viens avec la glacière. Le fait de pouvoir se déplacer. Il est où le côté sérieux là? Non mais petite blague, de temps en temps ça fait du bien. Et l'interview elle est à moitié coupée. Oui. Tu as un petit peu de tout mais finalement t'as pas le tout. Donc pourquoi le camping-car? Voilà pourquoi. Et Radio Arc-en-Ciel sera là pour relayer l'info s'il faut. Parce qu'avec notre animateur on pourra pas aller au bout de la conversation. Si, vas-y. Comme je disais effectivement, cette idée de camping-car donnera l'opportunité à beaucoup de gens qui n'osent pas. Et j'espère que ce sera un bel outil et qui pourra servir pas seulement pour la campagne, mais effectivement pour des moments importants dans la vie de notre ville de Fleury-les-Aubrais. Oui, je trouve que aussi au départ, je me suis dit beaucoup de moqueries. Et bon, ça a pas tardé à arriver dès le lendemain. Oui, le bon, en général, c'est comme beaucoup ça. J'ai peut-être lancé un petit peu. Non, pas du tout. Désolé. Je pensais pas à toi, à notre candidat qui s'est permis de vraiment se moquer. Mmh. Et je me dis, mais tant pis parce que on a des noms. Je suis non. La critique fait avancer en général. Ouais. Mais en tout cas, enfin bon, j'ai dit à la personne ce que j'avais à en dire. Non, ce qu'il faut, c'est garder de la hauteur. C'est vraiment être sur le terrain des idées. Des projets. Et ce combat, c'est un combat qui n'est pas toi je t'aime, moi je t'aime pas, etc. Ouais. C'est pas le sujet. Les fleurissoirs n'en ont rien à faire et ça devient plutôt exaspérant. Non, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est le projet. Qu'est-ce qu'on fait auprès des gens? Ouais. Qu'est-ce qu'ils demandent? À quelle proximité on leur propose? Parce que les gens le savent bien qu'on ne peut pas tout faire. Du jour au lendemain, ouais, etc. Mais il faut des réponses, il faut des réponses claires, il faut un accompagnement. Et ça, c'est un boulot du quotidien. Un gros boulot. De toute une équipe, d'ailleurs. Bien sûr, toute ton équipe. Hein. Et je remercie effectivement Jean-Jacques, Chantal, Anthony, etc., qui sont restés en toute loyauté à nos côtés et qui font le travail là pendant que je suis à vos côtés. C'est ça. Ils sont en train de faire ce travail auprès des fleurissoirs et c'est ma foi reconnu. Et puis, comme me disait encore avant-hier Pierre Baucher, on ne fait jamais l'unanimité. Ça, ce n'est pas vrai. Mais il disait aussi quelque chose que j'ai conservé vraiment ancré en moi. C'est faire de la politique, c'est faire vivre les gens ensemble. Et ben voilà. On va se quitter dans moins de 3 minutes. Comme tu le disais, beaucoup sur le terrain en ce moment, je vois les chorales, les arbres de Noël, aller chez les habitants, aller sur le terrain sport. Qu'est-ce que tu aimes le plus, quoi? Je suppose les habitants, moi, hein? Les habitants, aller voir les habitants? Oui. Ou alors aller sur un terrain de sport pour l'inauguration, aller un arbre de Noël, voir le Père Noël, etc. Non, les habitants. Je viens de recevoir une invitation de l'USOPOC que j'estime beaucoup et qui m'a fait rire et qui disait, connaissant votre grande affection pour le sport, et j'ai éclaté de rire, j'ai dit non mais en tout cas j'ai une grande affection pour les milieux associatifs parce que ce sont des bénévoles qui donnent tant, qui enrichissent tellement notre territoire. Voilà. Marie-Agnès Leguet, avant de se quitter, pour Noël, elle a prévu, je suppose, en famille, comme tout le monde. Absolument. Voilà. Et le 31 décembre, c'est quoi le programme? Eh bien, je vais aller chez mon copain Freddy, je fais de la pub, chez LTO. Ouais, partager avec mon mari et ma mère une bonne paella. Voilà. C'est pas une paella, c'est au homard, une sarsuela. Une sarsuela. Une sarsuela, je connais pas, moi. Moi, on parle la paella. un dernier mot, peut-être, Christine, pour conclure cette interview avec le maire de Fleury-les-Aubrais. De très belles fêtes de fin d'année à tous nos fleurissois et sans oublier notre mère. Voilà. Et puis, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que je souhaite à tous et à tous beaucoup de sérénité, beaucoup de douceur et des fêtes en famille le plus possible, parce que ça, c'est un grand fondamental. Être en famille, être entre amis, voilà, la bienveillance. La bienveillance. Juste pour conclure, j'ai oublié, parce que le 5 décembre, il va y avoir un dysfonctionnement sur la fonction publique territoriale. Oui. Alors, ce qui est bien avec votre page Mairie de Fleury-les-Aubrais, vous relatez les infos au bon moment et vous avertissez bien les fleurissois. Donc là, vous avez mis un lien que j'ai partagé justement. Ce mouvement de grève, ça va être un peu le bordel entre guillemets. Bah, je crois que c'est le grand B dans toute la France, malheureusement. Toute la France, il n'y a pas que Fleury. Mais par contre, moi, j'ai une pensée. Alors, je veux dire, le combat, il est ce qu'il est et je ne porterai jamais de jugement là-dessus. Et par moment, il est absolument nécessaire. Mais en revanche, je pense aux parents qui n'ont pas d'autre solution que de prendre des congés, de prendre des RTT quand ils le peuvent. Et ça m'embête un petit peu par rapport aux parents, par rapport au service, la continuité du service public. Mais je sais que j'ai des agents de toutes les façons sur lesquels nous pouvons compter. Et lorsqu'ils se mettent en grève, il y a le respect aussi. On est dans un pays libre, on est dans un pays de droit, et donc voilà, il faut savoir échanger. Il faut savoir supporter les uns les autres. Aussi, il y a de la solidarité. Il y a beaucoup de solidarité, mais en même temps, voilà, moi je suis toujours dans le. En même temps, il y a des familles que ça met en grande difficulté. Eh bien, merci Marie-Anne Eslinguet d'avoir été notre invitée. Je dirais un dernier mot. Fleury, c'est vous. Voilà Fleury, c'est vous. Merci Christine, présidente de la radio. Ah, je suis un sketch des fois. Un gros bisou aussi à notre présidente pour qui j'ai beaucoup d'estime. J'aime bien passer ces moments ici. Voilà. C'est quand tu veux, tu reviens, le café est bon, on est bien. Voilà. C'est vrai que le café est bon. Sympa, hein. Marie-Anne Eslinguet était notre invitée aujourd'hui sur Radio Arc-en-Ciel. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. c'est que je m'auto-déteste. Faut que je préserve tout ce qu'il me reste. Et tous ces gens qui voudraient prendre mon tel, allez leur dire que je suis pas leur motel. Merci à ceux qui disent me qui en t'aime, malgré ta couleur et veine. Je vais dire dans un endroit où je serai pas le suspect. Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. Quel bon souvenir ça, Maître Gims, le petit remix. Plein de remix pour vous, 17h44. Et le 4L Trophée qui vient d'arriver dans les studios. Un grand merci à Marie-Agnès Linguet, maire de Fleury-les-Aubrais, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Toujours souriante, toujours belle, ravissante et de bonne humeur. Et le 4L Trophée qui arrive dans moins de 15 minutes. Mathieu Stone positif. T'as dit de ne pas bien, bien, bien.

je fais bien le Père Noël. Mariah Carey. All I want for Christmas is you. Ouais, j'étais nul en anglais à l'école, hein. Je sais. L'invité, les invités, ils arrivent. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Ça les fait rigoler en plus. J'étais nul à l'école en anglais, sérieux, hein. J'étais, je suis pas dernier de la classe, quoi. Bon, ça va les gars? En pleine forme, 4L, Trophy, c'est parti, ça y est, bientôt. C'est quand la date alors? Mais le 20 février prochain, ça arrive. Ça approche, hein. Ça arrive très vite. On va rappeler un peu aux auditeurs ce que vous allez venir, temps en temps comme ça, pour parler justement de ce grand départ. Qui veut commencer? Qu'est-ce que le 4L Trophy? Je vais commencer. Vas-y, commence. Je te laisse trois quarts d'heure. Deux heures. Non, du coup, nous, notre projet, c'est qu'on va apporter des fournitures scolaires au Maroc en 4L. En 4L, voilà. Avec la vieille 4L que tout le monde a eue, c'est ça. Ouais, c'est clair. Les parents ont eu ça. Tout le monde, même toi, je suis sûr que ouais, moi j'ai eu une 4L, moi, ouais. Une 4L décapotable. Ah ouais. C'est moi qui l'avais faite à l'époque. Ah, non, c'est vrai, j'ai déjà conduit parce que les vitesses, c'est rigolo, ils sont au volant, en fait. Les 4L, vous savez, on les passe en bas, c'est en haut, comme ça, là. On tire. Ça change, tire une. Voilà, il faut tirer. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça que j'aime bien dans les 4L. Il y a plus de sensations, c'est c'est clair. Alors, l'aventure, donc, emmener des fournitures scolaires en traversant le désert du Maroc. Exactement, les petits villages, tout ça, voilà, on va apporter des petites fournitures scolaires pour que tous les enfants et puissent en avoir. Ouais. Donc c'est une belle aventure. C'est bien, hein. Super aventure même. Ouais. Exactement. Qu'est-ce qui vous a pris par la tête de faire ça? Pourquoi vous? Ouais. On est des étudiants, du coup, on s'est dit bah c'est bien d'être étudiant, mais ce qui serait bien aussi, c'est de se bouger, de faire des choses en plus, aider les autres. Du coup, on connaissait déjà un peu ce projet, on s'est dit bon bah allez, c'est le moment de se lancer, de faire un projet de A à Z, et du coup on est parti là-dedans depuis. Puis juin dernier, à peu près, on prépare ça. De A à Z, on en est où dans l'alphabet, dans la lettre? Au R. Non, on a très très bien avancé. On a eu des généreux des dons sponsors, généreux. Des personnes qui mettent leurs autocollants partout. Là, ça arrive. Là, on a pas mal. C'est vachement bien. Mais on en a encore besoin d'un peu. Mais tout avance comme il faut. Au niveau de l'alphabet, on est à peu près, on a fait les trois quarts. Donc je sais pas quelle lettre. Donc PQRST, vers le T par là. Le R, je pense que je suis pas trop mal. Donc besoin de sponsors encore peut-être alors. Exactement. Vous avez, hein, si vous nous écoutez, vous avez une société, vous voulez mettre votre petit autocollant sur la 4L, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. Le départ, ça se passe le combien? Le 20, je sais pas. 20 février, c'est ça, à Biarritz. C'est où, à Biarritz? Voilà. Biarritz, et on prend le bateau après, non? Voilà, au sud de l'Espagne. Donc faites-nous d'Orléans, il faudra déjà qu'on rejoigne Biarritz, donc on partira un peu le 20. Ouais, tranquille, en 4L, vous pensez? Voilà, c'est ça. Après, on descend, donc jusqu'à la frontière, on traverse l'Espagne, et puis direction Maroc. Alors, on parlait il y a quelques semaines, justement, de la 4L, où on avait trouvé une, après on ne l'avait plus, on en a retrouvé une nouvelle. On en est où, alors, avec la bagnole? Justement, demain, je vais la re-récupérer. Donc, tu l'as redonnée, tu l'as re-récupérée. Je l'ai mise à un garage, du coup, pour qu'il vérifie que tout soit bien avant le contrôle technique, et donc demain, je vais la chercher pour qu'après, on puisse aller faire le contrôle technique. Pour que vous soyez au courant de tout, du coup, on est des jeunes, mais on n'est pas mécano, on n'a pas de formation là-dedans. Donc, c'est pas la grosse mécanique, les 4L. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, sauf qu'on a acheté une première 4L, sauf des pourris. les yeux fermés. Ouais. Et on aurait dû les ouvrir. Du coup, on se retrouve avec ça dans les pattes. Et on en a trouvé une autre en attendant. Donc là, on est en train d'essayer de revendre, donc pour pièces, la première qu'on a trouvée. Ouais, malheureusement, ça ne vend que pour pièces maintenant. Hein. Dans cet état-là, la carrosserie, elle est morte, c'est ça. C'est surtout le châssis, mais après, tout le moteur, il est nickel. Donc ça, c'est un peu le point fort de la voiture. On peut récupérer le moteur alors. Voilà. Ouais, pourquoi pas, tiens. Ça peut servir. Il y en a qui collectionnent les 4L. Hein. Ouais. Ouais, qui cherchent des pièces encore. Hein. C'est rare ou pas les pièces de 4L, non? On vous renseigne un peu. Ça dépend lesquelles. Ce qui est surtout recherché, c'est le châssis, et nous, justement, c'est ce qui est mort. Non, ça vaut plus trop, ça vaut plus grand chose, des pièces de 4L. Combien? À peu près en tout 3 à 10 euros. Un moteur comme on a, il peut se revendre 400-500 euros. Ah ouais, quand même, voilà. Mais après, il y a de la main d'œuvre, parce qu'il faut l'enlever de la voiture. Ouais, faut le démonter. Ouais, c'est facile à démonter, ça. Tu coupes tout la scie, c'est ça. Direct, hein. De toute façon, c'est simple, hein, à l'intérieur. Ouais. En tout cas, une belle aventure. Le but, hein, c'est de faire plaisir aux gamins, enfin, de les aider, hein, surtout avec les fournitures scolaires, hein, les cahiers, les crayons, c'est ça. Vous avez récolté déjà Exactement. Pas mal de choses. Comment ça s'est passé? On a fait une petite présentation dans un lycée. Ouais. voilà, donc on a présenté notre projet. Ils ont été, les élèves ont été vachement investis dans, dans ce qu'on a fait. Ça les a marqués, touchés un peu. On a ouvert les yeux sur ce qui se passe à l'extérieur. Exactement, ils étaient vachement, vachement intéressés. Donc bah, l'établissement nous a fait des dons de fournitures. Ah, carrément. Ouais, voilà. Ça, donc, c'est bien. Ouais. Bah oui, les lycées, ils ont ce qu'il faut un petit peu en fourniture normalement. Ouais, les élèves, les choses comme ça. Même les élèves, ouais, vont donner. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, en fait, il y avait eu, c'est une histoire un peu longue, hein, mais du coup, ils avaient déjà fait une petite récolte avant avec une autre association. Ils n'avaient pas pu tout donner. Donc, ils nous ont donné les surplus de l'année précédente. Voilà, donc, c'était vachement sympa. Donc, on a pas mal de fournitures à apporter au Maroc déjà. Alors, dans moins de 3 mois, un peu plus de 3 mois, ouais, si je calcule, ouais, un peu plus de 3 mois, ce sera le départ. Ouais. Ouais, qui c'est qui va piloter la 4L? Tous les deux, chacun votre tour. Comment ça se passe? Comment ça va se passer? Eh ben, ce qui est bien, c'est qu'on est deux, donc on pourra se relayer. Parce qu'il y a pas mal de kilomètres. On va rouler plus de 6000 kilomètres. Ouais, quand même. Donc voilà, on va se relayer. Une fois. C'est ça. Voilà. Plein de fois même. Un maximum pour qu'on reste en forme et qu'on puisse profiter de tout le voyage jusqu'au Maroc et puis revenir après jusqu'ici. Ça s'organise comment le pactage pour vous? Vous dormez dans la bagnole, dehors, dans les tentes? Comment s'organise justement ce bivouac qui va alors, tout au long de la route? Ce que je n'ai pas dit, c'est que je compte mettre un lit à l'intérieur et puis je trouverai une tente. Ah ouais, carrément. Oui, carrément. Oui, on a une fourgonnette, une R4 pour ceux qui. Ouais. Une F4. F4. C'était la 4L, la 4L fourgonnette. C'est ça. Donc là, il y a la place de mettre un petit lit, mais si on n'est pas trop fou ça, on va mettre la toile de tente dehors et puis on va faire les hommes et puis on va. Bah justement, pas froussard, qu'est-ce qui vous fout la frousse aujourd'hui de le plus en traversant le désert du Maroc? Ça va être quoi le climat mécanique. Une panne, les animaux, je sais pas, il peut y avoir des scorpions, des serpents, moi j'en sais rien, moi je connais rien. C'est surtout la voiture qui nous lâche parce que ça, dans ces cas-là, c'est fini. Si la voiture lâche, comment on fait? C'est fini. Il y a une petite assistance technique quand même qui est là pour nous aider s'il y a une panne ou une petite panne. Un petit problème technique pas trop important, mais sinon on va devoir. L'aventure va devoir s'arrêter. Puis mince, ça va pas s'arrêter. Mais ouais, après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est facile sur cette bagnole-là, c'est que la mécanique, c'est super simple. Et c'est pas des pannes électroniques comme maintenant, que les bagnoles qui tombent en panne, il faut l'emmener chez le garage, la valise ou le bordel. Et là-dessus, deux, trois coups de marteau, une pince. Non, mais c'est vrai, un tournevis, ça peut se réparer. Un bout de scotch, ça peut être ça. Éventuellement, pour vous sauver la partie. On nous a dit de prendre de la ficelle parce que ça sert forcément. Le scotch, vous savez, le gros scotch américain là, qui colle tout là. Ouais, voilà, ça, conseil les gars, il faut toujours un rouleau de scotch dans la poche américain. Oui, parce que ça scotche tout et ça peut vraiment vraiment vous sauver sur une durée qui pisse la flotte, le gasoil, l'essence, plutôt c'est des essences des bagnoles. Un coup de scotch américain là, et normalement ça va grâce à moi, je vais vous sauver. Merci du conseil. Vous m'appelez, hein, je fais mécanique moi à l'époque. L'arrivée ça va se faire donc où exactement l'arrivée concrètement après la distribution, ça se passe comment dans les écoles? Du coup c'est à Marrakech que là-bas il y a une association locale qui va tout récupérer, donc nous on va pouvoir jouer avec les enfants une après-midi pour les rencontrer un minimum, donc avoir un côté quand même assez sympa qui est solidaire, l'objectif bien sûr, donc on apporte tout là-bas et après c'est eux qui vont donner aux personnes qui ont le plus besoin comme il faut, parce que vu qu'on est 1004L, ça fait pas mal de stock. Ça fait du boulot, hein. Ouais. Parce que 1000 qui arrivent en même temps, ça va être un truc de fou quand même, hein. Ouais, il y a une autrice qui me dit, t'as toujours un rouleau de scotch sur toi. Parfait. On est preneur. Tu en as un rouleau de scotch sur toi, elle me dit. Lol. Je dis oui, voilà, c'est ça. Ah ouais, j'ai toujours un rouleau de scotch. Je sors jamais sans mon scotch. Surtout la bouteille, je pense, non? Ouais, c'est ça. Tu prends pas du bruit. Non. Je ne bois pas, monsieur. Ceux qui conduisent, c'est ceux qui boivent pas, c'est important. Voilà. Ça, c'est vrai. En tout cas, on vous souhaite une belle aventure. J'espère que vous allez revenir avant le 23, le départ. Il faut venir avec la bagnole dès qu'elle est prête. Moi, je me suis engagé avec ma société de mettre un autocollant. Je vous l'ai dit il y a 15 jours, mais je tiens mon engagement toujours. Je veux voir mon autocollant sur la bagnole, moi. Quand même. Petit voyage. J'espère que la prochaine fois qu'on reviendra, ce sera avec la 4L et du coup votre autocollant. Et je pourrais le coller alors. Ah ouais. Je vais le faire faire. Je fais faire, c'est bon. C'est un petit, vous me donnerez les dimensions par rapport à ce que je paye. Et puis, je vais le mettre en live, hein. Voilà, ça va être énorme. Moi, je vais le faire faire. J'ai des potes qui sont là-dedans. Qu'est-ce que vous attendez de cette aventure, vous, justement? C'est quoi le but? C'est de faire plaisir aux gamins, de rendre heureux des gamins aussi là-haut. Qu'est-ce que vous attendez réellement à part tout ça? C'est le voyage aussi, c'est l'adrénaline, le stress, et puis c'est ce côté plaisir, peut-être. Ouais, en fait, c'est un peu un mix de tout ça, quoi. Déjà, réussir nous-mêmes alors qu'on a 19 ans. C'est vrai, vous êtes jeune. Ça pourrait être mon fils. D'ailleurs, il y a un téléphone qui sonne, toi. Non, c'est pas grave. C'est justement toujours pour un sponsor. Ouais, hein. Mais c'est en direct à la radio, tu peux répondre hein, si tu veux, c'est un sponsor. Hein, allô prend, non, c'est du live, hein, mon ami. Oui, ah, tu pourrais être mon gamin, je pourrais t'appeler Fiston. Qu'est-ce qu'il prend Non, mais alors, justement, une belle aventure. Hein, oui, oui. Hein, Fiston. C'est ça. Oui, papa. Exactement, tu peux papa. Dire oui, papa. Hein. Non, on aime bien déconner. T'as vu avec Marie-Agnès, j'étais super à l'aise, on a bien déconné aussi. Ouais, hein. Je vous parle comme bon. Je parle à Marie-Agnès, hein, les gars. Hein, ouais. Moi, je suis assez décontracté, hein, je suis pas du journalisme vraiment pur et dur. On aime bien se marier. Et en 2020, il faut se marier. 2020, c'est demain. Ah voilà. Ouais, ça arrive. Vous êtes le maire. Moins d'un mois. Moins d'un mois. Justement, les fêtes de Noël, vous allez faire quoi, les gars? Eh ben, profiter un peu de la famille pour un peu. Avant le départ. C'est ça, vider la tête un peu avec tout le boulot pour un peu décompresser. Parce qu'on a vraiment eu un boulot énorme ouais. Sur tous les événements qu'on a fait, de, toutes les démarches. Voilà, tu m'étonnes. La tête un peu. Puis aussi, bah. Faire un peu de démarchage aussi, encore continuer un peu, parce que le projet est loin d'être fini. C'est clair. Hein. Voilà, donc continuer un peu à travailler. Il faut que tu continues à travailler d'arrache-pied. Bah, justement, on parle de famille. Je parle à mon gamin, je vais pas te manquer. Non, justement, on parle de famille. Les familles, elles stressent pas trop par rapport à ça. Vos parents, les proches, les amis proches, ils se disent pas non, vous êtes un peu fou, ou au contraire, ils vous aident et vous encouragent. Ah, j'ai pété mon justement, ils m'écoutent, donc faut que je fasse attention à ce que je dis. D'ailleurs, j'ai salué. Ouais, salut, ils écoutent là. Ouais. Comment fais gaffe, hein, il va croire que je suis ton père, sinon. Je veux pas d'histoire avec ton père. Ton père. Ouais, je vais avoir des problèmes avec la famille. Ils vont m'attendre en bas de la radio, ils vont casser la tête. Non, ça va, on a un agent de sécurité aujourd'hui, donc c'est cool. J'ai prévu pour ma nièce au cas où. On serait débordé. Ouais. Non, justement, on a. Bah, mes parents, ils veulent venir à Biarritz. Ouais. Donc pour être là au départ, parce que voilà, ils ont aussi vécu un peu l'aventure depuis la maison. Mmh. Donc après voilà, eux ils sont contents qu'on se lance dans une aventure, qu'on y passe aussi de temps, ouais. Autant de temps, et puis voilà, ils vont être là pour le départ, et puis après on les tiendra au courant comme vous à la radio. Moi je pense qu'ils vous suivent pas par pas, hein, étape ouais, par étape, hein, ouais, c'est quand même ouais, c'est important. Ouais, ils sont contents qu'on fasse ça. Ouais, c'est vraiment un beau truc. Puis bah enfin moi pour ma part il me regarde de loin, il me regarde faire mes petits trucs en disant qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il bidouille. On va le laisser dans son truc parce qu'à chaque fois il nous râle dessus. Tu râles ouais en fait. Ouais, c'est normal quand t'es à fond dans un projet comme celui-là, forcément t'as envie de râler, mais t'as envie que ça soit concrétisé, que ça soit des belles choses aussi. En tout cas vous faites des belles choses les gars. Ouais. Et moi je vous l'ai dit, donc je vous propose de venir régulièrement, et puis avant le top départ, comme on dit, avec cette 4L, le 4L Trophy qui démarre le 23. Le 20. Pourquoi j'ai dit le 23, moi, je sais pas. Parce que, ouais. Tu m'as mis le 23 dans la tête tout à l'heure. C'est qu'on est le 3 décembre, donc. Ouais, 23, ouais, ça fait 23 divisé par. Allez, on va passer un par un dernier mot à rajouter. Je démarre avec toi. Ouais. Qu'est-ce que t'as envie aujourd'hui? Non, tu commences pas à faire ta liste de Noël. Non, mais pardon. Alors, un iPhone. Ah ouais, super. Bon, du coup, s'il y a des personnes qui sont intéressées par le fait de même donner des fournitures scolaires, si ça vous dit qu'on vous emmène des petits objets au Maroc, voilà. Voilà, si faites-le parvenir à la radio. Ouais, vous pouvez laisser ici à la radio, hein, nous on transmet après. Hein. Donc, voilà, si ça vous dit de nous aider dans cette aventure, parce que tout seul on n'y arrive pas, on a besoin de votre aide. C'est un projet solidaire pour les Marocains, mais aussi avec les Orléanais, les Florisois, tout le monde. Tout le monde, c'est Toutes les villes sont concernées. Hein. Exactement, ouais. les Parisiens. Hey, t'aurais dû taxer Marie-Agnès tout à l'heure. un petit coup vite fait. Salut Marie-Agnès, t'as pas 2-3 000 euros? Nous dépanner. Elle est sympa, Marie-Agnès, je la kiffe. Ouais. Franchement, je l'adore cette mère. Ouais, elle est magnifique. Dernier mot à toi pour conclure avant de se retrouver dans quelques semaines encore. Ouais, voilà. Fil rouge. Je voulais dire la même chose. Bah voilà, ceux qui aiment justement des jeunes qui se bougent, qui ont envie d'aider les autres, n'hésitez pas, on a besoin de soutien aussi. Voilà, n'hésitez pas à venir, même si vous avez des questions, si vous avez envie de nous appeler. Il y a un Facebook, un lien, une page, quelque chose, on peut vous retrouver et envoyer des messages. Ouais. J'ai un chat dans la gorge, une chatte peut-être. Une chatte dans la gorge. Moi, c'est plus une chatte, moi, dans la gorge. Non, c'est vrai. C'est pour ça que ça sent mauvais. Ouais, c'est pour ça. Un lien Facebook ou un lien sur les réseaux sociaux. Ouais, du coup, alors nous, c'est le nom de notre asso, donc c'est TROPHUTO, TROPHUT, /O. Voilà, donc sur Facebook, sur Insta, et puis après vous pouvez nous contacter par téléphone aussi si vous avez besoin. Bah, vous demandez justement à Francky Vous me demandez sur Facebook, là, mon Facebook il est connu, hein, sur la radio, ou alors vous nous appelez à la radio carrément. Puis si vous voulez les aider, bah voilà, 02 38 43 48 00, vous tapez sur internet Arc-en-Ciel, vous avez le standard, vous avez une permanence aussi, donc on peut vous donner le lien et puis vous mettre en relation avec moi, puis après moi je vous transmets les bonnes informations. Hein, voilà. Exact. Bon, voilà, hein, les gars, on va se quitter. Ouais, pas tout ça, mais moi j'ai du boulot après. Hein, manger et tout. Un sushi ce soir, je vais bouffer. Ça vous dit ou pas? Ouais, ouais, ouais, ça me va, papa. Ok, ne réponds pas à ton père, toi. Tu nous connais, papa. Merci de votre bonne humeur, les gamins. Je vous appelle les gamins, ça vous dérange pas. Et puis on va se voir deux, trois fois encore avant le départ. Ouais, avec plaisir. Et, vivement que la 4L arrive. Et moi, je poserai mon autocollant. Hein. Ouais, voilà. Vous allez me donner les dimensions et puis on va s'occuper de ça. On se voit dans trois semaines. Ouais, ok. Moi, après les fêtes, quoi. Ouais, ouais. Allez, okay. Allez, on fait comme ça. Allez, avec un bon rendez-vous, bien entendu. Avec plein de partenaires, voilà. Merci. Belle journée à vous. Belle journée, belle soirée, parce que maintenant, c'est la soirée qui va démarrer. Jennifer qui arrive sur l'arc-en-ciel. Et ouais, après Marie-Agnès, et ben, on a parlé justement du 4L Trophy. Voici, trop peu de temps. Donne-moi le temps. C'est Marie-Agnès. Jennifer qui arrive. Je suis avec Marie-Agnès à fond. Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. J'aurais aimé te dire des mots que tu n'as jamais entendus, car à mes yeux je t'aime est devenu bien trop répandu. De sortir de ta vie morose. Je saurais le faire, je serais voué à ta cause. Pour te satisfaire, je ferai pousser tes roses en plein désert, si cela peut te plaire. Rien qu'une fois, toi et moi, rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi, peut-être pour la vie. Rien qu'une fois, toi et moi, rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi, ou peut-être pour la vie. Je n'ai jamais éprouvé ça auparavant. Laisse-moi seulement te prouver que ce n'est pas du vent. Personne n'avait de lever en moi de tels sentiments. Dis-moi que j'ai une chance même si tu me mens. Je te demande pas la lune, seulement de me laisser t'aimer. Une fille comme toi, y'en a qu'une, d'autres seront pas la laisser tomber. Je comblerai chacune de tes envies inavouées. Si tu nous laissais. Rien qu'une fois, toi et moi, rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi, peut-être pour la vie. Rien qu'une fois, toi et moi, rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi, ou peut-être pour la vie. Je t'emmènerai là où tu voudras. Je te prouverai que je t'aimerai juste sous les bras. J'apprendrai chaque partie de ton corps sur le bout des doigts. On réinventera le Kama Sutra. Entre nous il n'y aura aucun tabou. Je te ferai des câlins tout doux, tout doux. Tu n'auras pas besoin de me pousser à bout pour entendre des mots doux sortis tout droit de ma bouche. Rien qu'une fois, toi et moi, rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi, peut-être pour la vie. Rien qu'une fois, toi et moi, rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi, ou peut-être pour la vie. Tous les deux sous la couette, tu trouveras ça chouette. Quand sur le mur la lumière projettera nos silhouettes. Des petits mouvements saccadés, d'un coup je m'arrête. Toi qui as la parole, les yeux, tu resteras muette. Car je vais tellement, tellement t'en te donner. Que ton corps va totalement s'abandonner. Je ferai naître en toi des talents qui jusqu'alors t'étaient insoupçonnés. Rien qu'une fois, toi et moi, rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi, peut-être pour la vie. Rien qu'une fois, toi et moi, rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi, ou peut-être pour la vie. Elle est belle, elle est belle, oui, elle est belle, elle est grande. Elle est belle, elle est belle, oui, elle est belle, elle est grande. Avec une fois, toi et moi, la météo qui arrive sur l'arc-en-ciel demain, ça va cailler, eh ouais. La météo. Demain, les températures sont négatives au lever du jour, moins 2 degrés, ça fait froid et on dépassera pas les 5 petits degrés malheureusement. Bah ouais, c'est comme ça. Par contre, du soleil, ça c'est la bonne nouvelle, quelques nuages, mais bon, ça va cailler demain matin si vous allez bosser de bonne heure. Amine qui arrive avec les bons souvenirs, je voulais sur l'arc-en-ciel. Je voulais que tu portes mon nom, qu'on sait ma note.

Latina, Lex and Figo, ça fait du bien de vous retrouver, 18h28 sur Radio Arc-en-Ciel. On vous souhaite un bon début de soirée, si vous sortez du bureau. Bah ouais, pas facile, hein. Bah c'est Lucenzo qui arrive avec Gandasa Kuduro. Avec Lucenzo, Donoma, Daddy Yankee. C'est demain, ça va se refroidir à moins 2 degrés. Mais là, on va pas parler de refroidissement, mais plutôt de réchauffement climatique. On est avec Laurent au téléphone normalement. Bonjour Laurent. Bonjour Francky. Comment il va bien Laurent? Alors, on va te présenter Laurent. Présente-toi rapidement pour savoir qui tu es, justement, par rapport aux auditeurs. Laurent. Oui. Alors, je suis un chef d'entreprise et j'ai été choisi pour faire partie d'un panel citoyen pour à propos de la COP, c'est-à-dire... Explique un peu ce que c'est la COP aux auditeurs. Si je dis ouais. La COP, c'est quoi la COP? Voilà. Voilà, on sait. Alors, quoi la COP. Ça vient de COP, COP 21, COP 25, vous entendez tout ça, c'est au sujet du climat et des urgences sociales. Ah ouais, ouais. Donc, et la région Centre-Val-de-Loire a lancé sa COP en 2019. Mmh. Donc il va y avoir un texte très important qui va être approuvé au mois d'avril 2020 par les conseillers régionaux. Bien et sûr, pour hein. l'instant, on travaille sur des textes. Nous, c'était au niveau d'un panel citoyen, donc il s'est déjà réuni cinq fois, enfin cinq demi-journées ou cinq journées. Ouais. Et il va y avoir un événement important la semaine prochaine. Sur c'est pour Orléans. Ça que je t'appelais. Voilà. Voilà. Donc à Orléans, c'est lundi. Il y a la possibilité donc de venir visiter un certain nombre de d'établissements dans la matinée et en début d'après-midi. Ouais. Et ensuite, il y a des ateliers qui vont avoir lieu au conseil régional. Mmh. Alors, soit pour des personnes qui ne connaissent pas du tout le sujet, donc qui veulent s'informer. Ouais, pour les novices. Pour des, voilà, soit pour des débats avec des personnes de très qualifiées, si tu veux, qui vont venir faire des conférences. Ouais. Et nous, on va rendre compte des journées donc du panel citoyen avec les. On a employé un mot fort, hein, qui est le mot révolution, quand même. Ah oui, quand même. Ah oui. C'est un peu la révolution en ce moment en même temps. Hein. Voilà. Et donc, c'est pas une révolution politique qu'on appelle, c'est une révolution climatique et puis dans les comportements, de façon, si tu veux, à essayer d'atteindre les objectifs de la COP 21 de Paris, en matière de réchauffement climatique. Donc, ça implique forcément des changements de comportement et aussi dans les politiques publiques. Par exemple, on propose, si tu veux, de conditionner l'octroi d'une subvention au respect des principes de la COP. D'accord, ah ouais, ok. Ceux qui font bien, ils sont récompensés. Oui, exactement. C'est un peu du bonus-malus, mais c'est surtout la région ne pourrait plus subventionner des projets qui ne rentrent pas dans ses objectifs, qui ne respectent pas ses objectifs. Voilà, donc... Donc c'est la semaine prochaine, hein. Alors voilà, c'est lundi. Ensuite, mardi, moi j'irai à Châteauroux. Et si tu veux, on peut se retrouver à la radio, peut-être en direct de Châteauroux. Ah, ça peut être sympa, ouais, on peut s'appeler mardi en direct de Châteauroux. Ouais, ça peut être sympathique, ça. Ouais. Voilà. Hein? Ok, on fait comme ça. Merci beaucoup, Francky. Et ben, puis donc, merci. Bonne soirée à tous les auditeurs. Parce que le réchauffement, c'est important, le réchauffement climatique. Hein. On s'en rend pas compte vraiment, mais je peux vous dire, ça commence à peser un petit peu. Hein. Ouais. Voilà, donc il faut changer nos comportements, moins gaspiller, produire des énergies renouvelables, changer nos modèles de transport. Voilà, il y a plein d'actions qui sont à mener. Ok, bah, je te remercie mon Lolo, je t'appelle Lolo, ça te dérange pas. Oui, depuis une bonne année qu'on se connaît mieux, ça fait toujours plaisir quand on... Mais j'ai jamais eu ce surnom là. Hein. Et bah voilà, Lolo, merci Laurent. Voilà, allez, à bientôt, salut Franck. Belle soirée à toi en direct sur Radar Ciel. Bah oui, c'est la semaine prochaine donc, hein, on va parler de réchauffement climatique. Voilà, Daniel Santa Cruz, Lento. Me lleve al mismo cielo. Ay, pégate sin miedo, con malicia. Dame de tu sonrisa el corazón, al ritmo de tu cuerpo lento. Dame lento así con todo sentimiento. Senta, venida, no me dejes ir lento. Cierra los ojos y vivamos el momento. Baila conmigo hasta que haga salir el sol. Nosotros en un solo cuerpo, bailando lento. L'After Job avec Franky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. To take it slow, count one to three and here we go. I can tell how you feel, I know what you like. Can't mess with the groove or trip the vibe. Don't you be afraid, baby, don't be shy, 'cause I see what you want shining in your eyes. And I can feel the heat that you try to hide, but that's is the game. What I want and you want are the same. Don't have to pretend that this is real love. Just do as I say and that's enough. Don't you be afraid, baby, don't be shy, 'cause I see what you want shining in your eyes. And I can feel the heat that you try to hide, but that's the l'été 96 avec Donny Hines, It's All Right. Bienvenue sur l'arc-en-ciel, 18h43. Demain, couvrez-vous, ça va cailler demain. Moins 2 degrés, on ne dépassera pas les 5, mais le soleil sera au rendez-vous. Puis les beaux souvenirs avec Louis Bertignac et les visiteurs, ces idées-là. Ça, c'est pour Nadia, tiens, qui nous écoute sur 96.2 FM. Bébé, faudrait rentrer, tu vois. Je suis en mal-être avec toi. La machine à café détraquée, les cendriers tous renversés. des heures et des heures passées devant la mire de ma télé, des nuits sans dormir à me demander tu peux bien aller. Tu ne vas plus rentrer, je peux faire une croix sur toi. Comment ne pas m'imaginer ta petite gueule entre ses bras? Comment ne pas crier? Comment ne pas pleurer? Oh, je suis fatigué. Quel souvenir sur Radio Arc-en-Ciel avec Louis Bertignac, l'ex-bombe du groupe Téléphone, ces idées-là. Là, forcément, ça n'aura pas le des bons moments. Marquito qui arrive, Marquito qu'on a reçu souvent à la radio, on adore. Au Lusitano sur Radio Arc-en-Ciel, un peu de soleil au Portugal. Avec ce mec qu'on adore, qu'on a reçu beaucoup de fois. Ouais, Marquito, il est là. Já são 7 horas, estou atrasado. Para ganhar notas, estou desesperado. Eu sempre ouvi dizer: não há nada sem trabalho à demora. Nunca se acaba, chegou a hora. Já estou cansado, eu vou agradecer. A bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que anda a sofrer. Gosto do fim de semana. Vou-te dizer quem eu sou. Já chegou a hora, vamos lá dançar. Hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar, eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia, deixa andar a magia. Vou-te dizer quem eu sou. Lusitano, cheio de amor, orgulhoso eu vou. Um conquistador ser. Partilhar só pode ser. Partilhar. sem trabalho a demora. Nunca se acaba, chico a hora. Já estou cansado, eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que anda a viver. Gosto do fim de semana. Vou-te dizer quem eu sou. Lusitano cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Um conquistador ser. Vou-te dizer onde eu vou. Lá pra frente tem mais sabor. Invejoso não sou. Partilhar só pode ser. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Non tenga miedo, mi agarra, toque mi, mi aperta, mi amasa, así no da to a gustar, non consigo me controlar, ten cuidado da mi cuya, non da mesmo para parar, cata da mesmo para controlar, controlar, eu é controlar, controlar, eu é controlar, cata da mesmo para controlar, controlar, controlar. Baby, eu gosto do teu jeito de agarrar, tens o poder de me fazer alucinar, tu sabes bem que eu tenho vontade de te amar. Não sei como podes duvidar. Tu sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. Eu é. E tu, eu baby, é. Vai. Não tenha medo, toque em mim, me aperta, me amassa. Assim não dá tua gosta. Não consigo me controlar. Falar a sério, encosta no canto, chega mais perto, agarra desse jeito, meio atrevido. Sabes que eu gosto do teu jeito, pra mim tudo é perfeito. Eu é. E tu, baby, vai. Não tenha medo, me agarra, toque em mim, me aperta, me amassa. Assim não dá tua gosta, não consigo me controlar. Tem cuidado pra me cuidar, não dá mesmo para parar. Cata dá mesmo para controlar, controlar. Eu é controlar, controlar. Eu é controlar. Cata dá mesmo para controlar, controlar, controlar. Thank you.

Allez, attention, bon début de soirée à tous. Si vous venez d'arriver du côté d'Orléans, eh bien, on vous souhaite ce superbe soirée. On vous souhaite déjà de bonnes fêtes de Noël, parce que c'est bientôt Noël. Ouais, ça y est, dans quelques jours. Et je vais vous laisser avec Electric Shock, Christophe, qui est là dans les platines. Et puis, Fear Factory. Le titre, c'est Shock. C'est son générique depuis 14 ans à la radio. C'est énorme. Le son rock arrive et c'est avec Christophe. Electrochoc, ça démarre tout de suite sur Radio Arc-en-Ciel. Après le soleil, eh bien, le son des guitares qui va sonner très, très fort. Ben, c'est une bonne soirée. Voici Electric Shock avec Christophe.